بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فلازلنا إخوة الإسلام مواصلين دراسة كتاب العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشافاه وعفاه ومتع به، ولازلنا في مقدمة العلامة الشيخ الفوزان لهذا الكتاب الذي هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. Faisons Allah Azza wa Jal, c'est notre deuxième rencontre autour de ce livre de son éminent Cheikh Rabi, Hafidhahullah Ta'ala, et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala le guérisse, et qu'il ne fasse pas profiter de sa science, et qu'il allonge sa vie dans son obéissance et dans la défense de ce manhaj pour lequel il a voué sa vie, Hafidhahullah Ta'ala. Et nous sommes en train d'étudier son livre dont le titre, dont la traduction peut être celle-ci, hein? Dans la voie de la da'wa du messager alayhi salatu wassalam, il y a la sagesse, il y a la raison aussi. Et nous sommes dans l'introduction, hein, qu'avait faite Cheikh, son éminence Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Puis là, ce livre est préfacé par son éminence Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Nous sommes toujours dans cette préface dans laquelle Cheikh al-Fawzan a fait l'éloge de Cheikh Rabih. Il nous a montré que Cheikh Rabih est quelqu'un qui défend la voie du puiseur d'Allah alayhim, et quelqu'un qui est d'un grand conseil pour la communauté et qui éclaire la communauté sur la voie des prophètes, de la da'wa des prophètes alayhim salatu wassalam. Et dans cette préface de son éminent Cheikh al-Fawzan, il nous a aussi citer les piliers principaux sur lesquels doivent s'accomplir la da'wa. Et il a commencé avec le premier pilier qui est la science, que celui qui prêche doit connaître les choses vers lesquelles il appelle, qu'il doit avoir une science sur les choses vers lesquelles il appelle. Et deuxièmement, le deuxième pilier, c'est de mettre en application les choses vers lesquelles il appelle. Et nous sommes arrêtés là. والآن إخوة الإسلام مع الركيزة الثالثة وهي الإخلاص. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ومتع به بأن تكون الدعوة لوجه الله لا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا ترفعا ورئاسة ولا طمعا من مطامع الدنيا، لأنها إذا دخلها شيء من تلك المقاصد لم تكن دعوة لله، وإنما هي دعوة للنفس أو للطمع المقصود، كما أخبر الله عن أنبيائه أنهم يقولون لأممهم لا أسألكم عليه أجرا وكذلك لا أسألكم عليه مالا. فمن هذه الفقرة يتبين لك أن الدعوة لا يجب أن تكون دنيوية، ولا يجب أن تكون دعوة تزاحم السلطان على كرسيه، ولا دعوة لطلب المراكز والمناصب. فخيرون الله عز وجل ce troisième pilier que nous cite Cheikh Al-Fawzan, ici, Hafidhahullah Ta'ala, est un pilier très important. Son titre, ce pilier, il lui a donné le titre de la sincérité. C'est-à-dire que la da'wah doit être faite sincèrement pour Allah, Azzawajal. Que la personne ne cherche pas la réputation à partir de sa da'wah, qu'il ne doit pas chercher un nom, ni un rang social, ni des choses de ce bas monde. Car la da'wah, quand il y a les choses de ce bas monde qui s'immiscent dedans, il ne va pas être une da'wah pour Allah, Azzawajal. Il va être une da'wah pour soi et pour les choses de ce bas monde. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé, nous a annoncé de ses prophètes, il disait à leur communauté, on ne vous demande pas de salaire, on ne vous demande pas d'argent. Donc ce qui veut dire que la da'wah ne doit pas être pour les choses de ce bas monde, ne doit pas être non plus une da'wah qui concurrence les gouverneurs pour leur trône et pour le gouvernorat et pour chercher des postes, ni ça ne doit pas être une da'wah pour avoir des centres, ça doit être une da'wah pour Allah Azza wa Jal. Wa ta'rifuna ikhwata al-islam كثيرا من حال الدعوات المعاصرة كيف تميل مع المال وكيف بجمعيات يحذر منها الشيخ ربيع حفظه الله تعالى كجمعية الثورات الكويتية كيف تغرر بالدعاة بالأموال فتسمع هؤلاء اليوم يصفون شخصا بأنه كذاب وبأنه وأنه وما تمر الأيام وإلا وإذا به يغسل قدميه لماذا؟ لأن المصلحة المادية، لأن المصلحة الدنيوية أو الجاه، المال هو الذي ميل اتجاهه، فهذه ليست دعوة على منهاج الأنبياء، فالدعوة التي على منهاج الأنبياء لا بد أن تكون خالصة لله رب العالمين، فما ينبغي لها أن تنافس الحكام على كراسيهم، ولا أن تنافس أهل الدنيا على دنياهم. Et vous savez, frère en Allah, Azza wa Jal, naturellement qu'il y a beaucoup de formes de da'wah sur le terrain. Ces da'wah contemporaines, que beaucoup parmi les gens qui sont dans ces groupes de da'wah contemporains penchent avec l'argent et avec les intérêts du moment. Et Cheikh Rabi, Hafidhahullah Ta'ala, combien il avertissait les du'at de ne pas tomber dans les filets de certaines associations, comme l'association d'Yal Torat au Koweït, etc. Parce que ce sont des gens qui détournent, ce sont des associations qui détournent les du'at de la voie du messager, alayhi salatu wassalam, et qui font des du'at qui deviennent à la solde de ces associations, et c'est les associations qui les orientent. Et tu entends des séduites, hier il disait nier quelqu'un comme égaré, comme menteur et autres. Et les jours passent, les années passent, et tout d'un coup, ils vont laver les pieds de cette personne duquel il disait que c'était un menteur, c'était un égaré. Pourquoi? Parce que c'est l'intérêt matériel qui les fait bouger. C'est l'argent et le poste qui les a fait pencher de l'autre côté. Et dans ces cas-là, cette da'wah n'est pas une da'wah qui fait selon la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Car la da'wah, selon la voie du prophète, alayhi salatu wassalam, il faut qu'il soit sincère pour le souverain des mondes, pour Allah Azza wa Jal. Et la da'wah des messagers, alayhi salatu wassalam, il faut qu'il soit sincère pour Allah Azza wa Jal. On ne doit pas avoir une da'wah qui concurrence les gouverneurs pour leur trône et pour leur siège de gouverneur, ni une da'wah qui concurrence les gens de ce bas-monde pour leur bas-monde. فَأَخَ الْإِسْلَامِ إِذَا قُمْتَ لِلْدَعْوَةِ فَدَعِ الْكَرَاسِي لِأَهْلِهَا وَدَعِ الدُّنْيَا لِأَصْحَابِهَا كُنْ قَائِمًا بِأَعْلَى وَظِيفَةٍ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَلَا وَهِيَ وَظِيفَةُ الْأَنْبِيَاءِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا الله عز وجل يغنيني من فضله هذه صفة الأنبياء وصفة ورثة الأنبياء فخون الله عز وجل كنتيه dans le poste de la da'wa laisse les trônes des gouverneurs de côté, ne les concurrence pas pour le gouvernement et laisse les postes et les choses de ce bas monde pour les gens qui s'occupent des choses de ce bas monde et accomplit la fonction la meilleure des fonctions dans ce bas monde, qui est la fonction des prophètes, alayhimussalam, qui disaient à leur peuple, on ne veut pas de vous un salaire, on ne veut pas de vous de l'argent. Hein? Ils sachent dire que Allah subhanahu wa ta'ala va me combler de ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala me donnera la richesse. Et agissons ainsi, ça c'est la caractéristique des prophètes alayhimussalam et des héritiers des prophètes alayhimussalam. وإليكم مثال من عصرنا خذوا مثلا محدث الديار اليماني رحمه الله تعالى يذكر عنه ويذكر عنه طلابه رحمه الله أنه يأتيه الرجل من بعيد بعد سفر طويل ويبقى بانتظاره بماله والشيخ يكون في وقت البحث في المكتبة أو في مجلس علم فما يترك رحمه الله تعالى البحث والدرس ولو فعل لما وجد وقتا للبحث فهذا الوقت وقت البحث فعلى الزائر أن ينتظر وإلا فليرجع إلى بلده ما نريد منه شيئا ولعلكم سمعتم بأن السفيرة الأمريكية في صنعاء سافرت لزيارة الشيخ ووقفت عند بابه لمقابلته وردها من عند الباب مع أن كثيرا من أصحاب هذه الدعوات المنحرفة يتمنون أن يصوروا مع سفيرة أمريكية والشيخ مقبل كان يحمل حملا ويكره على الدخول على رئيس جمهورية اليمن رحمه الله واسكنه فسيح جناته. Et voici un exemple de notre monde contemporain. Le muhaddith des terres yamanites, que Allah subhanahu wa ta'ala le comble de sa sainte miséricorde, ses élèves disent, ils rapportent que des fois il y a des gens avec leur fortune qui viennent pour mettre de l'argent au service du Cheikh Mokbil. Ils font un long voyage et ils restent à attendre que le Cheikh les accueille. Peut-être qu'au moment où ils arrivent, ils sont accueillis. Le Cheikh il était en train de faire des recherches dans la Maktaba. Ben, il ne laisse pas ses recherches, rahmatullah alayh. Ou alors qu'au moment où ils sont arrivés, le Cheikh était en train de donner cours. Ben, il ne laisse pas son cours. Parce que si il laissait son cours, il laissait ses recherches, ben, il va être perturbé tout le temps. Donc il respectait le temps qu'il avait mis pour le cours et le temps qu'il avait pour ses recherches. Et le visiteur n'a qu'à attendre. S'il ne veut pas attendre, il n'a qu'à retourner chez lui. Et peut-être vous avez entendu parler de cette histoire, de cette ambassade, cette femme ambassade américaine qui était à Sana'a, qui a voyagé vers Dammaj pour visiter Cheikh Mokbil. Il est resté à sa porte pour le rencontrer. Il l'a renvoyé de la porte. Alors que beaucoup, parmi les gens de Dawa, de l'égarement, hein, auraient souhaité avoir une photo avec l'ambassadrice américaine. Cheikh Mokbil, on le porte des fois, hein, malgré lui, et on le rentrait chez le président de la République yéménite. نعم إخوة الإسلام يدعى رحمه الله ويعتذر وفي بعض الأحيان يحمل ويجد الأبواب أمامه مفتحة ويجد هؤلاء الحركيين وهؤلاء الحزبيين ينتظرون أدوارهم يطلبون الدخول ويسأل الشيخ ماذا تريد فيقول لا أريد شيئا عرض عليه وزير منصب وزير العدل رفضه رحمه الله تعالى وكان ينصح رئيس الجمهورية اليمنية ويقول وزارة العدل فيها فساد وزارة الإعلام فيها فساد وزارة الداخلية فيها فساد ويجيبه الرئيس تعال نوليك واصلح ويجيب الشيخ مقبل رحمة الله عليه بقائي بين كتبي ودعوتي خير من الدنيا وما فيها ويفخرون الله عز وجل ونبلي الشيخ رحمة الله عليه يسكسكوزي l'invitation lui venait de la présidence du Yémen, il s'excusait. Et des fois, on venait le chercher. Et quand on l'amenait, il trouvait devant la porte les têtes des Hizbi et les têtes des groupes qui attendaient leur tour pour être reçus par le président. Et le président posait des questions à Cheikh, qu'est-ce que tu veux? Et Cheikh lui répondait, je ne veux rien. Cheikh, le président lui a proposé le poste de ministre de la Justice et d'autres ministères. Il a refusé. Mais quand il est avec le président de la République yéménite, il le conseillait. Il dit, le ministère de la justice, il y a le choix dedans. Il y a du mal dedans. Dans le ministère de la communication, il y a du mal. Dans le ministère de l'intérieur, il y a ceci et cela. Et le président de la République dit, viens et prends le poste que tu veux. Et remédie au mal qu'il y a. Et Cheikh Mokhber, rahmatullah, allait répéter, hein, le fait de rester entre mes livres et dans la da'wa est mieux pour moi. C'est la meilleure des choses que j'ai dans ce bas monde. Et la meilleure des choses que je préfère dans ce bas monde. فهذه إخوة الإسلام صفة ورثة الأنبياء. أما هؤلاء المهرولون هؤلاء الحركيون المهرولون خلف الدنيا فإن الله يذلهم. فهذه عزة العلم ورفعته. والسفيرة الأمريكية لما زارت شيخ مقبل زارته سرا، ما كان أحد في الدولة اليمنية يعلم بذلك، لكن الشيخ بلغها أهلا وسهلا عند النساء، فقالت أريد مجالستك، وطبعا رجعت دون أن تنال ما أرادت. ويخبر سائقها أنها كانت تبكي، وفي الطريق كما هو الحال في اليمن هناك شيء يسمى بالقطاعات، قبائل تحصل بينها مناوشات فيقطعون الطريق بعضهم على بعض ويأخذون السيارات، وإذا انتهت المشكلة والمناوشات ردوا السيارات إلى أهلها. صاف خيرون الله عز وجل سي لي كاركتيريستيك دي زيريتي دي بروفيت عليهم الصلاه والسلام كونتر سي زاكتيفيست سي زادات دو حزب دو بارتي دو جروب سو كي كور ديغيغ لي شوز دو سو با موند الله سبحانه وتعالى لي زافيلي مي الله سبحانه وتعالى إل اونور لي زوم دو سيونس اي لي زيليف لومباسادريس امريكان كونت إلا فيزيتي إل إتالي بور لا فيزيت ديال الشيخ مقبل إلا إتي أون سكري. Personne dans l'État yéménite ne le savait. Et quand il est arrivé là-bas, Cheikh Mokhbel lui a transmis par l'intermédiaire de gens, bienvenue, mais il faut que tu ailles chez les femmes. Et il a dit, non, je veux te rencontrer, m'asseoir avec toi, discuter avec toi. Et évidemment, et naturellement, il est revenu sur ses pas sans avoir ce qu'il voulait. Sans avoir eu l'occasion de s'asseoir avec Cheikh ni de discuter avec lui, puisque la condition du Cheikh c'était qu'il aille chez les femmes. Et le chauffeur de cette ambassadrice disait qu'il était en train de pleurer sur tout le trajet. Que cette femme, cette représentante de l'État américain au Yémen, pleurait sur tout le chemin. Et comme il se passe au Yémen, sur le chemin il y a des barrages. Les tribus font des barrages. Ils mettent un grand tonneau au milieu de la route et une grande poutre pour empêcher les voitures et pour les prendre en otage. Quand il y a des problèmes entre les tribus, etc., ils coupent le chemin. Et ils prennent les voitures et ce qu'il y a dans les voitures. Et quand le problème est terminé, ben ils rendent les voitures aux gens à qui appartiennent ces voitures. فوصلت السفيرة الأمريكية إلى قطاع من قطاع بعض القبائل وهو عبارة عن برميل وسط الطريق وفوقه خشبة يسدون به الطريق وطبعا ما كانوا يعرفون أنها سفيرة أمريكية وبعد أن أوقفت اتصلت بالرئيس اليمني فأرسل إليها مروحية خاصة حملتها إلى صنعاء وعرف منها ما حصل فازداد الشيخ مقبل عند الرئيس عزة لأنه يعلم جيدا أن رجلا يرد سفيرة أمريكية من بابه فهذا ليس رجلا ممن يريد الدنيا فما كان رئيس اليمن يعرف بسر هذه الزيارة حتى حصل ما قدره الله سبحانه وتعالى والشاهد من كل هذا أن الدعوة الصادقة الدعوة التي تعمل لوجه الله سبحانه وتعالى فهي لا ترجو إلى الله سبحانه وتعالى وتكون لله سبحانه وتعالى يكونت لا L'ambassadrice américaine est arrivée à ce barrage de cette tribu, d'une des tribus. Ben, qu'ils l'ont arrêté, ils ne savaient pas que c'était l'ambassadrice américaine. Et quand on l'a arrêté, il a contacté directement le président du Yémen. Et tout de suite, le président du Yémen lui a envoyé un hélicoptère privé qu'il a pris de là-bas. Vers Sana'a. Et quand il est arrivé à Sana'a, à ce moment-là, il a annoncé au président de la République ce qui est arrivé. Et quand il lui a annoncé ce qui est arrivé, La valeur d'El Cheikh Moukbil a augmenté. Cheikh Moukbil est devenu très important, c'est le président de la République yéménite. Parce qu'il sait très bien qu'un homme qui renvoie l'ambassadrice américaine de sa porte, celui-là, ce n'est pas un homme qui cherche les choses de ce bas monde. Le président du Yémen ne savait rien de cette visite. Cette visite était secrète. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il le sache. Le témoignage ici, c'est que la da'wa véridique ne cherche que l'agrément d'Allah azza wa jal. Ne cherche que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu al-shaykh al-fawzan hafidhahullah ta'ala الأمر الرابع الركيزة الرابعة البداءة بالأهم فالأهم بأن يدعو أولا إلى إصلاح العقيدة بالأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك ثم الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الواجبات وترك المحرمات كما هي طريقة الرسل جميعا كما قال عز وجل عنهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وغير ذلك من الآيات. Et donc le quatrième pilier que nous cite Cheikh ici, Cheikh Al-Fawzan dans cette préface, dit il faut commencer par la priorité et par le plus important en descendant vers l'important. Premièrement, qu'il appelle vers le fait de corriger, d'authentifier le dogme, et qu'il appelle les gens vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah, Azza wa Jal, et qu'ils soient sincères dans leur adoration pour Allah, Azza wa Jal, et qu'ils blâment l'associationnisme. Et après ça, après le monothéisme, après l'interdiction de l'associationnisme, qu'il leur donne l'accomplissement de la prière, et le fait de s'acquitter de la zakat, et le fait de faire les autres obligation et de s'abstenir de toute forme de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Ça, c'est la voie des messagers, de tous les messagers alayhi salatu wassalam. Il est dit dans le Coran, Allah a décrit leur da'wa ainsi. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Qu'est-ce qu'il a dit le messager à son peuple? Adorez Allah et évitez de ceux qui s'adorent en dehors d'Allah azza wa jal. Et dans notre verset, chaque fois que nous avons envoyé un messager, tout messager que nous avons envoyé avant toi, nous lui avons révélé, il n'est digne d'être adoré qu'Allah, adorez-le. Et d'autres versets qui vont dans ce sens. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله فإنهم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث. Et quand notre prophète عليه الصلاة والسلام a envoyé Mu'ad vers le Yémen, il lui a dit tu vas aller vers les gens du livre. La première chose vers laquelle tu dois les appeler, c'est qu'ils attestent qu'ils n'est digne d'être adoré qu'Allah. S'ils répondent à ça, apprends-leur que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait obligatoire 5 prières durant le jour et la nuit. Et ainsi de suite. Wa fi tariqatihi sirati sallallahu alayhi wa sallam khayru qudwa wa akmalu manhaj haythu makkata sallallahu alayhi wa sallam fi makkah 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وقتل النفوس بغير حق. Et dans la voie et dans la vie de notre prophète عليه الصلاة والسلام, dans la da'wa, on a le meilleur des exemples. Et la voie la plus complète, puisque le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque, il appelait les gens vers le monothéisme. Il leur interdisait l'associationnisme avant de leur ordonner la prière et la zakat le jeûne et le hajj, avant de leur interdire riba, avant de leur interdire l'adultère, avant de leur interdire de tuer des âmes, sans droit, avant de commencer à leur interdire quoi que ce soit, et à leur ordonner quoi que ce soit, il les a appelés vers, il leur a ordonné le monothéisme, il leur a interdit l'associationnisme. فهذا الشرط هذا الشرط الرابع أو هذا الركن الرابع الذي بينه الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى مهم البداءة بالأهم فالمهم ومن هنا نعلم الأخطاء التي يقع في فيها كثير من الدعاة حيث يتكلمون في مواضع كثيرة ولا يهتمون بقضية العقيدة والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والبدع فأنتم ترون في مواقع بعض الدعاة المئات من الدروس والخطب والمحاضرات وكثير من الكتب والرسائل في الأسواق ولا ليس فيها من هذا الأصل الذي هو التوحيد والدعوة إليه لأنه لم يربى على ذلك Et ce pilier que vient de nous citer Cheikh, ce quatrième pilier qui est le fait de commencer par la priorité des priorités, par la chose la plus importante en descendant vers l'important, nous montre les erreurs dans lesquelles se trouvent certains du'at et certains voies d'il dawa. Il parle de beaucoup de sujets. Ils ne s'occupent pas des croyants, ils n'appellent pas vers le monothéisme, ils n'avertissent pas contre l'associationnisme, ni contre les innovations. Et sur certains sites de certains du'ats, de certains mouvements, des milliers, des centaines, et tu peux même dire des milliers de cours, de khotab, de conférences, des livres, des fascicules sur le marché, mais c'est quoi la place du monothéisme dans tout ça? C'est quoi la place de l'appel vers le monothéisme et vers le dogme? Presque inexistante, parce qu'ils n'ont pas été éduqués sur cette voie-là. Dans leur mouvement, dans leur parti, dans leur groupe, on ne les a pas éduqués sur le monothéisme et sur le fait d'appeler vers le monothéisme. انظروا بارك الله فيكم مواقع ودروس هؤلاء الذين رد عليهم أهل العلم هل لهم شروحات على التوحيد والعقيدة فتأملوا هذه المواقع فهذه المواقع أمامكم فستجدون ما أقول لكم لأن هؤلاء لم يربوا على التوحيد والدعوة إليه وفاقد الشيء لا يعطيه Et regardez que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse ces sites et les cours qui a dans ces sites de ceux qui ont été critiqués par les hommes de science. Et vous allez voir dans leur site. Est-ce qu'il y a des explications explication du monothéisme, des explications profondes du monothéisme, de l'aqida. Méditez bien ces sites et les cours qu'il y a sur ces sites. Ils sont devant vous. Et vous allez vous arrêter et voir de vous-même ce que je vous dis. Parce que ils n'ont pas été éduqués sur le monothéisme et vers le fait d'appeler vers le monothéisme. Et celui qui n'a pas une chose, il ne peut pas la donner. فالداعي الى الله لا بد له ان يجعل راس ماله والاصل الذي ينطلق منه دائما الدعوه الى التوحيد والتحذير من الشرك. لماذا؟ لان هذا هو الامر الذي قامت عليه دعوة الأنبياء وأصحابهم. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فعلى هذا أسست دعوة الرسل وبدأت دعوة أنبياء الله ورسله. Et il leur a dit aussi, il a dit à Moussa alayhi salatu wassalam, va vers Pharaon, il a dépassé ses limites, et dis-lui, viens te purifier, je vais te guider vers ton souverain, peut-être qu'il va avoir peur. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans le Coran, hein, comme il est cité dans le verset concernant notre prophète alayhi salatu wassalam, c'est par clémence min Allah azza wa jal que tu as été doux avec eux, parce que si tu avais été dur avec eux, ils vont se sauver de toi, ils vont se sauver de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit créer notre prophète ainsi, tu es certes sur le plus noble et le plus géant des comportements. Et il a dit au sujet de notre prophète, il lui a donné cet ordre, appelle vers la voix de ton souverain avec sagesse, et bonne exhorte, et polémique avec eux de la meilleure des façons. Sagesse, mettre les choses à leur place, bonne exhorte, c'est-à-dire utilise dans ton langage un langage qui les incite à courir vers le bien, et un langage aussi qui les fait fuir du mal, tarhib wa tarhib. Et polémique avec eux, d'une bonne polémique, soit d'un bon comportement quand il débat avec eux. Hein? فاسمعوا مثلا لذكاء هذا الأمير الذي اعترضه أحد المنسوبين إلى الصلاح بغلظة، فقال له يا هذا لقد قال عز وجل لمن هو أفضل منك أن يقول لمن هو أسوأ مني فقولا له قولا لينا، فلست أفضل من موسى ولست أسوأ من فرعون، فلماذا تغلظ علي؟ وكان هذا الأمير موفقا في هذا الدليل، كان الأمير كأن الأمير قال له أنا مسلم مهما صدر مني من ظلم، لن أقول أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون، وما أقول وما علمت لكم من إله غيري. فإذا كان أمر الله أمر كليمه موسى وهو أحد أولي العزم من الرسل أن يقول لأكبر طاغية دعا الربوبية والألوهية أن يقول له قولا لينا، فكيف بغيره إخوة الإسلام. Maintenant écoutez à cette intelligence avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'un des princes abbassides. Un jour ce prince passe dans le hall de la Mecque et certains qu'on attribue au bien, un adorateur se lève Il dit des paroles, il dit à ce prince, je vais te dire, je vais te parler sévèrement. Et le prince l'a regardé, il lui a dit, Allah Azza wa Jal a dit à celui qui était mieux que toi, de dire à celui qui était pire que moi, dites-lui une parole douce. Tu n'es pas mieux que Moussa, et je ne suis pas pire que Pharaon. Pourquoi tu es dur avec moi? Et cet émir, hein, était intelligent à ce moment-là. Sa preuve était à sa place. Comme si l'émir lui disait, moi je suis musulman, je suis unificateur. Malgré l'injustice que je peux commettre, je n'ai pas dit aux gens, je suis votre souverain le plus haut. Je n'ai pas dit aux gens, je ne vous connais pas d'autre divinité que moi. Et puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa alayhi salatu wassalam, qui est l'un des grands prophètes d'Allah azza wa jal, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, il lui a dit, quand il l'a envoyé à ce grand tyran qui a prétendu la souveraineté et d'être une divinité, d'être, de lui dire une parole douce, qu'est-ce qu'il en est pour les autres frères en Allah azza wa jal? C'est pour ça qu'il est temps pour nous de méditer la voix des prophètes alayhi salatu wassalam dans le da'wah. كذلك من الركائز التي بينها الشيخ العلامة الشيخ الفوزان في هذه المقدمة قال على الداعية وهي الركيزة السابعة على الداعية أن يكون قوي الأمل لا ييأس من تأثير دعوته وهداية قومه ولا ييأس من نصر الله ومعونته ولو امتد الزمن وطال عليه الأمد وله في رسول الله في رسول الله خير قدوة في ذلك. Donc, le septième pilier que nous cite Cheikh Al-Fawzan ici, c'est que le da'i doit avoir un grand espoir. Il ne doit pas désespérer. S'il ne voit pas l'impact de sa da'wa, il ne voit pas que les gens ont répondu à sa da'wa, il ne doit pas désespérer. Il ne doit pas désespérer du triomphe d'Allah, Azza wa Jal, même s'il a mis beaucoup de temps dans sa da'wa et qu'il ne voit rien, il ne voit pas de fruits. Et il a le meilleur des exemples, il l'a dans les prophètes d'Allah, Azza wa Jal. Fayaqul al-Shaykh, Hafidahullah ta'ala wa matta'a bih, fahada nabiyullah Nuh alayhi salatu wassalam, labita fi qawmihi alfa sanatin illa khamsina aman yad'uhum ilallah. Et voici, Cheikh de nous dire, voici le prophète d'Allah, Nuh alayhi salatu wassalam. Il est resté dans son peuple 1000 ans, moins 50 ans. À les appeler vers Allah. Wa hada nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lamma ishtadda alayhi adha al-kuffar wa ja'ahu malak al-jibal yasta'dhinu an yatbiqa alayhim al-akhshabain qala la bal astani bihim la'alla Allah yukhriju min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a. Wa mata faqada ad-da'iyatu hadhihi as-sifa fa innahu sayaqifu fi awwal at-tariq. Et voici aussi notre noble prophète alayhi salatu wassalam, quand les kuffars lui ont fait beaucoup de mal, hein, l'ange des montagnes est arrivé vers lui pour lui demander l'autorisation de retourner les montagnes, de tourner les montagnes, les deux montagnes contre son peuple. Il a dit non, j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala va sortir de leur descendance, disons, qui vont réserver le culte exclusivement à Allah, Azza wa Jal. Et Cheikh de nous dire, quand le prêcheur perd cette qualité, hein, et quand il désespère, au début du chemin, il va s'arrêter. Et son travail va être anéanti. Il va arriver nulle part. Frère l'Islam, Allah, Azza wa Jal, ناصر دينه بنا وبغيرنا فلا نيأس ولكن يكون أملنا قوي وعلينا أن نحسن الظن بربنا ومن أهم أسباب هذا الأمر ألا ننتظر ثمرة معينة فما علينا إلا العمل وفق منهج الأنبياء وفق منهج سلفنا الصالح وأن نأخذ بالأسباب المتاحة ولو لم نترك لمن بعدنا إلا أساسا قويا. فهنا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى va faire triompher sa religion. Avec nous, sans nous. Avec, on, nous utilisons là, on, il va utiliser d'autres personnes. Il ne faut pas désespérer. Il faut que nous ayons un grand espoir en Allah Azza wa Jal. Il faut que nous ayons des bonnes suspicions sur Allah Azza wa Jal. Et les choses, parmi les moyens qui vont nous arriver à avoir un grand espoir, c'est qu'il ne faut pas attendre un fruit particulier de notre da'wa. Il faut qu'on œuvre selon la voie du prophète alayhi salatu salam et selon la voie de nos puissants et qu'on utilise les moyens implicites et qui vont avec la législation, même si on laisse rien derrière nous, même si on laisse juste une bonne fondation. Si on laisse derrière nous juste une bonne fondation, c'est bon. فتأملوا إخوة الإسلام هذا المثال عندما يموت أحد ويترك لأبناء وأحفاده أساسا قويا لعمارة أو مبنى من المباني فإنهم يأتون ويؤسسون على هذا الأساس قد أراحهم من التأسيس وبنى لهم قواعد قوية يستطيعون رفع البناء عليها لكن هذا الذي يبقى يخطط طول عمره وما ترك شيئا لأنه يشتت شمله هنا وهناك ثم ما يترك شيئا وإن تحرك كثيرا وإن تعب كثيرا فالمهم أنك تترك أساسا صحيحا لمن بعدك يبني عليه وبهذا تكون قد يسرت لهم الأمور ووفرت عليهم الجهد والوقت فهنا الله عز وجل ميديتي cet exemple. Une personne meurt, il laisse à ses enfants ou là, ses petits-enfants, une fondation, un terrain qu'il voulait construire, mais il n'a construit que les fondations. La situation devient facile pour les petits-enfants et les enfants. Ils vont arriver sur cette fondation solide, ils vont construire les meubles qui devaient être construits. Leur père ou là leur grand-père leur a facilité la situation, leur a laissé les piliers, leur a laissé une fondation forte, donc ils peuvent construire. Mais celui qui va dans tous les sens, qui ne laisse aucune fondation derrière lui, même s'il a bougé beaucoup, et il n'a pas laissé de fondation solide, même s'il n'a pas laissé, il n'a pas laissé de, même s'il a bougé beaucoup, il a fait beaucoup d'efforts, il n'a pas laissé de fondation solide, ben il n'a rien fait. L'essentiel, c'est que tu laisses derrière toi une fondation solide pour ceux qui vont arriver après toi. Ainsi, tu auras agi dans le sens, tu l'auras facilité la situation après toi. Ils n'auront plus beaucoup d'efforts à faire. Là, je me rappelle, quand je suis arrivé comme imam dans la mosquée de Mokran, dans cette mosquée, les gens de cette mosquée, ils étaient à Courtrai dans une autre ville plus loin. Ils se réunissaient pendant beaucoup de temps. Il y avait Cheikh Taqid Dilhilal avec eux, qui leur a appris l'aqida, qu'il aura appris aussi la prière du prophète alayhi salatu wassalam, comme si tu la vois. Et quand je suis arrivé dans cette mosquée, il y avait des choses qui m'étonnaient. Même qu'ils se sont séparés depuis longtemps avec Cheikh, il restait des choses de la sunna, que ce soit au niveau de l'aqida ou là, que ce soit au niveau des actes dans la prière. Je voyais des vieux, des personnes âgées, marocaines, tu rentres dans la mosquée, tu dis salamu alaykoum, ils lèvent la main alors qu'ils sont dans la prière. Alors qu'ils sont dans la prière, ils faisaient jalsat al-istiraha, ils collaient les pieds, etc. C'est un travail qui a été fait. Non, il est resté. Quand nous, on est arrivé dans cette mosquée, nous avions, le travail était facile pour nous. Appeler, parler de l'aqida, parler du monothéisme, c'était simple pour le terrain était déblayé. Le terrain était asphalté. Appeler au fait d'aligner les rangs et sortir du rang et aligner les gens acceptaient. Parce qu'il y avait une fondation qui était faite par ce noble et cette éminence de la science qui est Cheikh Taqid Dilali, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Et nous avons vécu dans cette mosquée trois belles années selon la voie des puissants d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Fal-anbiya. إخوة الإسلام ما كانوا ينتظرون شيئا معينا وورثة الأنبياء ما كانوا ما ينتظرون شيئا معينا Donc, frère en Allah, Azza wa Jal, les prophètes, alayhi salam, n'attendaient pas quelque chose de particulier. Ainsi, leurs héritiers n'attendent pas quelque chose de particulier. أنبياء ما ينتظر ما انتظروا أن يكونوا ملوكا أو رؤساء أو حكام عرض على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا وخير بين ذلك وبين أن يكون عبد الرسول فاختار أن يكون عبد الرسول ولم يختر أن يكون ملكا نبيا ها Les prophètes عليهم الصلاة والسلام ne cherchaient pas à être des rois ou des présidents ou des gouverneurs. On a donné le choix à notre prophète alayhi salam. S'il voulait être roi, prophète, il a préféré être serviteur messager d'Allah. Il n'a pas choisi le fait d'être roi et prophète. Regardez maintenant la da'wa du Yassine. Yassine est au Maroc. Et leur groupe, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent le gouvernorat. Ils cherchent les postes du gouvernorat. Lui et son groupe. وهذا نبي الله كذلك la même chose pour les إخوان qu'est-ce qu'ils cherchent les خوارج qu'est-ce qu'ils cherchent les sororiés à travers le monde qu'est-ce qu'ils cherchent en excitant la jeunesse de Londres ils excitent la jeunesse musulmane à travers le monde pour renverser les pouvoirs pour arriver au pouvoir tout simplement et ça c'est une contradiction énorme avec la voix دي مستجي عليه الصلاة والسلام فهذا نبي الله سليمان كان نبيا ملكا ونبينا عليه الصلاة والسلام يعرف ما كان عليه سليمان لكن لم يختار أن يكون ملكا نبيا واختار أن يكون عبد الرسول فالأنبياء لم تكن عندهم تلك الرغبات التي يفكر فيها من يسمون بالإسلاميين أو الإصلاحيين أو الحركيين هؤلاء et le prophète d'Allah سليمان عليه الصلاة والسلام était un prophète roi Et notre prophète, alayhi salatu wasalam, connaissait la situation dans laquelle était Sulaiman, alayhi salatu wasalam. Et notre prophète n'a pas choisi d'être un roi prophète. N'a pas choisi. Mais il a choisi d'être un serviteur messager. Les prophètes, alayhi salatu wasalam, n'avaient pas ces envies à laquelle pensaient ce qu'on appelle actuellement les islamistes, ou les activistes, ou les réformistes, etc. Ils veulent le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Et le conquérance. Les gens du pouvoir pour leur pouvoir. ويقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ومتع به وأي دعوة لا تقوم على هذه الأسس ويكون منهجها قائما على منهج الرسل فإنها ستبوء بالخيبة وتضمحل وتكون تعبا بلا فائدة وخير دليل على ذلك تلك الجماعات المعاصرة التي اختطت لنفسها منهجا للدعوة يختلف عن منهج الرسل فقد أغفلت هذه الجماعات إلا ما قل منها جانب العقيدة وصارت تدعو إلى إصلاح أمور جانبية الشيخ الفوزان d'attirer notre attention حفظه الله تعالى dire que toute da'wa qui ne s'accomplit pas sur ses bases et ses piliers et dont la voix n'est pas la voix du prophète عليه الصلاة والسلام ben il va à la perte Il va faiblir, il va à la perte et la fatigue et les efforts vont être en vain. Ils vont amener aucun bénéfice, aucun résultat. La meilleure des preuves des cheikhs, Habibullah Ta'ala, qui ont fait des stratégies dans Dawa et des voies dans Dawa qui sont des voies en divergence avec les voies du messager. Et ces groupes des cheikhs, Habibullah Ta'ala, ont donné le dos, ont laissé de côté. Le côté principal, le monothéisme, les croyances. Et leur da'wa est devenu un appel vers le fait de réformer des choses autres que le monothéisme et l'aqida. Fayaqul le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, Fajama'atun tad'u ila islahi al-hukm wa siyasa, wa tutalibu bi'iqamati al-hudud, wa tatbiq al-shari'ati fi al-hukm bayna al-nas. Wa hada janibun muhim. لكنه ليس الأهم إذن كيف يطالب بتطبيق حكم الله على السارق والزاني قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على المشرك كيف يطالب بتطبيق حكم الله بين المتخاصمين في الشاة والبعير قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله عز وجل على عباد الأوتان والقبور وعلى الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته فيعطلونها عن مدلولاتها ويحرفون كلماتها. الشيخ دو ندير d'attirer notre attention, de regarder ces groupes. Hein? Certains appellent vers le fait de réformer les lois, la politique, et ils demandent à accomplir les sentences et à appliquer la législation entre les gens. Ils disent ça, c'est un côté qui est très important, mais ce n'est pas la priorité la plus importante. Comment demander à quelqu'un d'appliquer les sentences, les lois de l'Allah sur le voleur, sur celui qui commet l'adultère, avant de demander qu'on applique les lois de l'Azzawajal sur l'associateur? Comment demander à appliquer la loi de l'Azzawajal entre ceux qui se disputent une brebis ou un chameau avant de demander à appliquer la loi de l'Azzawajal sur ceux qui adorent les tombes, ceux qui adorent les statues, ceux qui adorent autre que l'Azzawajal, ceux qui déforment les noms d'Allah Azzawajal, qui déforment les attributs d'Allah Azzawajal, qui dépouillent les sens, qui détourne l'essence des mots. هؤلاء أشد جرما أم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون إن هذه الجرائم إساءة في حق العباد والشرك ونفي الأسماء والصفات إساءة في حق الخالق سبحانه وتعالى وحق الخالق مقدم على حقوق المخلوقين. إيه شيخ دو ندير سا ceux qui dépouillent l'essence des mots, ceux qui réservent leur culte à autre qu'Allah, sont plus criminels que ceux qui sont dans l'adultère, et ceux qui boivent du vin, et ceux qui volent. Hadou, ils ont cumulé les crimes. Mais plus criminels qu'eux, ce sont les associateurs, et ceux qui dépouillent l'essence des attributs d'Allah, et qui déforment les attributs d'Allah. Hadou sont plus criminels que le voleur, que celui qui commet l'adultère, car ces crimes, c'est un mal vis-à-vis des serviteurs. Mais l'associationnisme, la négation des noms et des attributs d'Allah, c'est un mal vis-à-vis du créateur des créatures. Et le droit d'Allah doit être mis en avant. C'est la priorité des priorités avant le droit des créatures. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il dit ces péchés avec un monothéisme authentique c'est mieux qu'un mauvais monothéisme sans ces péchés. Ça veut dire que quelqu'un qui est monothéisme, même s'il commet l'adultère, même s'il vole, il est dans le bien. Il est mieux que celui qui est dans l'associationnisme et qui vole et qui est associateur. Et qui ne vole pas et qui ne commet pas l'adultère, mais il commet l'associationnisme. Celui-là est dans la pire des situations. Et celui qui est dans le monothéisme et qui, par faiblesse, il vole, par faiblesse, il tombe dans l'adultère, est mieux que celui qui est dans l'associationnisme et qui ne vole pas et qui ne hada. فهنا إخوة الإسلام الشيخ الفوزان يشير إلى جماعات جماعات الإخوان المفلسون وما تحرك وما تفرع عنها من حركات. لأن هذه الجماعة باضت وفرخت فخرجت من السرورية والقطبية وغيرها. وهذه الجماعات تطالب بالحاكمية وتهمل الجانب الأهم في دين الله عز وجل وهو التوحيد وإفراد الله بالعبادة. Ici, frère, on a Allah Azza wa Jal dans ce passage. Cheikh Al-Fawzan attire notre attention sur certains groupes qui existent, comme les frères musulmans et les groupes qui découlent du mouvement des frères musulmans, comme Sororia ou Qutbia, parce que ce groupe a pondé des œufs, et ces œufs ont pondé des poussins, comme les Sororites, les Qutbites et autres. Et ces groupes demandent le pouvoir, l'hakimiya, et ils laissent de côté la chose la plus importante dans la religion d'Allah Azzawajal, qui est le monothéisme, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azzawajal. فكلام العلامة الفوزان مهم لأن الأنبياء قاموا بهذا الأهم وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى التوحيد وكثير منهم لم يقم بهذا المهم وهو الحكم بين الناس بالشريعة، لأنه ما تمكن من ذلك أصلا. لكن الأنبياء دعوا وقاموا بالدعوة إلى الأهم وهو التوحيد، ولو لم يتمكنوا من الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولو لم يتمكنوا من الحكم بما أنزل الله بين الناس. Donc, les paroles de Cheikh Al-Fawzan ici sont très importantes. Car les prophètes d'Allah Azza wa Jal ont accompli la priorité des priorités et la chose la plus importante qui est l'appel vers le monothéisme. Et beaucoup parmi les prophètes alayhi salam n'ont pas accompli l'important qui est le fait de juger entre les gens avec la législation d'Allah Azza wa Jal, parce qu'ils n'ont pas eu ce pouvoir et ils n'ont pas pu le faire. Mais ils ont accompli l'essentiel et le plus important, c'est appeler les gens vers le monothéisme. Les prophètes d'Allah ont appelé et ont accompli la da'wa vers la chose la plus importante, la priorité des priorités qui est le monothéisme. Même si ils n'ont pas pu juger entre les gens avec les sentences d'Allah Azza wa Jal. فَأَيُّهُمَا الْمُهِمُ وَأَيُّهُمَا الْأَهَمُ وَهَذَا مُهِمٌ جِدًّا أَنْ نَعْرِفَ أَدَّعْوَةُ إِلَى التَّوْحِيدِ أَهَمُ أَمْ الدَّعْوَةُ إِلَى تَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ أَهَمُ. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est quoi le plus important? C'est quoi la priorité des priorités? Est-ce que la priorité des priorités, c'est le fait d'appeler vers le monothéisme ou le fait d'appliquer la législation d'Allah Azza wa Jal? كثير من الناس لا يعرفوا الجواب. كثير منهم يقول طبعا الدعوة إلى تطبيق الشريعة ولا يعرف أن الحكم بالشريعة هو حق من حقوق وواجبات لا إله إلا الله. أما التوحيد فهو الأساس والأصل الذي يبنى عليه كل شيء. Beaucoup de gens ne savent pas la réponse. Beaucoup de gens vont te dire, si tu leur poses la question, c'est quoi la priorité des priorités? Appeler vers le monothéisme ou appeler à l'application de la législation? Beaucoup naturellement vont te dire, appliquer la législation. La législation est plus importante, c'est la priorité. Mais ils ne savent pas que la mise en application de la législation, c'est un des droits et une des obligations de la ilaha illallah. Quant au monothéisme, c'est la base, c'est la fondation sur laquelle doit être construite toute chose dans cette religion. ولكن المخالفين لمنهج السلف الصالح ومنهج الأنبياء جعلوا الحكم بالشريعة هو الأصل الأصيل كما فعل الروافض تماما لما جعلوا الإمامة أهم شيء في الدين. فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية، وهذا الكتاب الضخم كله لإبطال هذه الدعوة الباطلة التي هي الإمامية. Mais ceux qui sont en divergence avec la voie des prophètes alayhi salam et la voie de nos plusieurs d'Allah alayhi ont fait que la chose principale et la fondation principale dans cette religion, c'est le fait de mettre en application la législation d'Allah azza wa jalla. Comment faire rawafid? La même chose quand ils ont fait que l'imama, c'est la chose la plus importante dans din, dans la religion. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a répliqué à ces rawafid dans un énorme livre qui s'appelle « La voie de la sunna prophétique ». Et cet énorme livre sur plusieurs volumes est tout simplement pour anéantir et annuler la da'wa d'il rawafid qui est la da'wa d'il imama. فَهَذَا إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ مِيزَانٌ عَظِيمٌ وَمُهِمٌ جِدًّا. لذلك قال بعض الصحابة لأن أحلف بالله كاذباً خير من أن أحلف بغير الله صادقا. ومن هنا تفهم عظمة التوحيد وأهميته، لأنه إن حلف بالله كاذبا يكون قد وقع في كبيرة، لكن إن حلف بغير الله صادقا يكون قد وقع في شرك، والشرك لا يطلق إلا على الأمور العظام، إن الله لا يغفر أن يشرك به. Ce point est très essentiel. Pour bien comprendre la parole de Ibn Taymiyyah qui est passée avec nous, c'est très important. Certains nobles compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam disent que je préfère faire le serment avec le nom d'Allah Azza wa Jal au montant. Je fais le serment sur un mensonge, mais en faisant le serment avec le nom d'Allah Azza wa Jal, c'est mieux pour moi que de faire le serment avec autre qu'Allah Azza wa Jal, même en disant la vérité. Parce que de là tu comprends, par cette parole de ces nobles ailleurs d'Allah, tu comprends l'importance du monothéisme. Car s'il si fait le serment avec le nom d'Allah Azzawajal, en imitant un mensonge, ben il sera tout simplement dans un péché capital. Hein? Mais s'il si fait le serment avec autre qu'Allah Azzawajal en disant la vérité, ben il va tomber dans l'associationnisme. Hein? Et shirk, l'associationnisme, c'est une chose, c'est la plus grande des injustices. Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui fasse un associé. Wa huna wa hada yu'akkid lana anna at-tawhid ahamm mas'alatin fi hada ad-din wa anna ash-shirka a'zamu al-kaba'ir wa akbaruha 'ala al-itlaq la kama yaqulu ha'ula'i al-hizbiyyun wa ha'ula'i al-harakiyyun. Et donc, et partant de là, ceci te montre l'importance du monothéisme. Que le monothéisme, c'est la chose la plus importante dans cette religion. Et que l'associationnisme, c'est le pire des péchés dans cette religion. Et le plus grand des péchés au sens large du terme. Non pas comme disent ces activistes et ces adeptes de parti. Hein? Même s'ils ne le disent pas clairement, mais leur situation le montre. يقولون بلسان حالهم وبعضهم يقوله صراحة شرك يجمعنا خير من توحيد يفرقنا وبدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا. Donc cela te montre l'importance du monothéisme et que l'associationnisme c'est la pire des choses et la plus grande des injustices au sens large du terme. Non pas comme disent les activistes et les adeptes de partis. Disent même s'ils ne le disent pas par leur langage, certains le disent directement. Mais d'autres, rien que par leur façon de faire te dit, un associationnisme qui nous réunit vaut mieux qu'un monothéisme qui nous sépare. Et une innovation qui nous réunit vaut mieux qu'une sunna qui nous sépare. وَحَالُهُمْ كَمَا تَرَوْنَ فِي مُخَاصَمَةِ أَهْلِ الْحَقِّ ما هذا التوحيد الذي تدعون إليه؟ فرقتم الناس بدعوتكم إلى التوحيد واتركوا الناس على ما هم عليه نحن نريد أن نجتمع وبعد ذلك ننظر في هذه المسائل. شرك يجمعنا خير من توحيد يفرقنا وبدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا. Et leur situation, elle est là. La guerre qu'ils font aux gens de la vérité, la guerre qu'ils font aux gens du monothéisme et à ceux qui appellent vers le monothéisme. Pourquoi vous appelez les gens vers le monothéisme? Vous avez divisé les gens avec votre da'wah vers le monothéisme. Hein? Laissez les gens dans la situation dans laquelle ils sont. Nous voulons nous réunir pour l'instant. Et après, on va voir dans les situations par la suite. Qu'est-ce qu'ils sont en train de te dire quoi? Un associationnisme, même si tu es adorateur des temples, viens avec nous et se réunit. Ça veut dire qu'il est en train de te dire, un associationnisme qui nous réunit vaut mieux qu'un monothéisme qui nous sépare. Et une innovation qui nous réunit vaut mieux qu'une sunna qui nous sépare. Il ne te le dit pas directement, mais il le dit à une... Il l'insinue de son langage. وَبَعْضُهُمْ فِي جَمَاعَةِ السِّيَاحَةِ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتَ مَنْ يَسْجُدُ لِلْعَجْلِ فَأْتِ بِالْحَشِيشِ لِهَذَا الْعِجْلِ وَإِذَا رَأَيْتَ أَحَدٌ يَطُوفُ بِقَبْرٍ طُفْ مَعَهُ وَادْعُهُ لِيَقْبَلَ مِنْكَ فَهَمُّهُمُ الْأَكْبَرُ أن يكتل الناس من حولهم مهما كان عندهم من شرك وإهمال للتوحيد فلسان حال هؤلاء شرك يجمعنا خير من توحيد يفرقنا. Donc, et certains dans la jama'a qui font le globe trotteur sur terre, la jama'a du tourisme, hein? Si tu vois quelqu'un prosterné à un veau, va chercher de l'herbe pour le veau. Pour que si tu fais la da'wa à cette personne, il va accepter. Et si tu vois quelqu'un tourner autour d'une tombe, commettre de l'association, tourne avec lui pour qu'il accepte ta da'wa. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Parce que leur but, ce qu'ils veulent, réunir, avoir de la masse avec eux tout simplement. Il y a des gens avec nous, nous sommes les plus nombreux, les gens ont répondu à notre appel, c'est ce qu'ils veulent. Et agissant ainsi, là, il est en train de te dire, un associationnisme qui nous réunit, vaut mieux qu'un monothéisme qui nous sépare. Et une innovation qui nous réunit vaut mieux qu'une sunna qui nous sépare. Et nous allons arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli allahumma wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.